Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On continue la grande entrevue, les grandes entrevues du temps des fêtes et cette année, ben, j'ai décidé, vu qu'il y a eu moins de sport un peu, il y a la revue de l'année comme vous pouvez entendre, mais j'ai également décidé de faire des grandes entrevues, faire connaître un peu nos bénévoles au fil du temps, nos bâtisseurs comme qu'on dirait, et en ligne, ben, quelqu'un qui a pas mal pris sa retraite un peu, mais on l'a entendu régulièrement dans notre sport, c'est Jocelyn Gagné. Salut Jocelyn! Jocelyn, d'abord, avant de commencer, évidemment, à retraite, comment on se sent? Je peux dire qu'avec la pandémie qui se passe présentement, là, j'aimerais pas être à l'école. Mes confrères de travail doivent rouler le tour. Ça doit être quand même assez frustrant des bouts. Mais à la retraite, quand tu es prêt pour la retraite, c'est correct, mais moi, je trouve pas de temps. Je manque de temps. Okay. Comme ils disent tout ça, hein? Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, ils disent tout ça. Fait que, Jocelyn, d'abord, ton intérêt pour le sport a commencé quand? Moi, j'ai commencé à faire de la course au secondaire. Au secondaire 4. Ben, cette semaine, je pense à ça. Monsieur Yvon Mascotte, en secondaire 2, m'avait déjà repêché, puis il m'avait admis de courir une course en Orient Terrain, il m'a repéré tout court au Ruvenot de Delbeau. Puis en secondaire 4, j'avais gagné la course. Puis les Olympiades de l'école secondaire des écoles, je ne sais pas si tu en souviens. Oui, ben l'école, je me rappelle des Olympiades, c'était quelque chose de... Ouais. Ça existe encore, cette forme d'Olympiade-là, un peu comme on a... Ça existe au primaire. Au primaire, ça existe encore? Au primaire, ils l'ont fait longtemps. Après ça, ils l'ont remplacé dans les dernières années par le triathlon à Péribonka. Puis revenant les soirs, c'est... Les Olympiades m'ont fait courir, puis j'ai gagné la grande course qu'on appelle marathon à l'époque, un 5 km. Ça me donnait le goût de courir. Puis là, la course m'a remis. Moi, j'ai toujours dit la course me sauve la vie. Okay. Elle m'a fait prendre confiance. Puis après ça, c'est là que j'ai aimé le sport au cégep, puis j'ai fait un bac en éducation physique. Puis c'est de fil en aiguille, ça a fait ça. Mais t'as parlé de secondaire 2, il t'avait recruté. C'est parce qu'à quelque part, il avait vu ton talent. Mais c'était où? C'était aux Olympiades, c'est ça? Il m'avait amené une course à Delbeau en Orient Terrain. Okay. À l'époque, c'est là que un prof a revu d'un autre œil, mais il m'a dit, M. Mascotte avait eu le flair. Il avait dû dire, ce gars-là, il est capable de courir. Ça avait couru, ça a fini, je pense, deuxième ou troisième en équipe. Mais c'est l'Orient Terrain, c'est tout un beau sport. C'est malheureux qu'au Québec, ça s'est pas pratiqué. C'est quoi ça, ce sport-là? Tu pars avec une carte, puis mettons, tu as des points de repère, puis t'as des points pour les questions que tu réponds ou aller trouver des lettres en forêt, puis okay. Le temps le plus vite. Ça peut c'est se faire un genre en de rallye, temps. Autrement dit. Oui, ça peut se faire avec une boussole, mais plus tu cours vite, plus tu vas faire des points, plus tu reviens. Okay. C'est un genre de cross-country, mais avec une carte pour que tu trouves des lettres. OK. Cross-country qui est très, très, très populaire, qui a déjà été très, très populaire. Il y a eu des courses provinciales d'organiser. Dolbeau-Mistassini, à peu près, je te dirais 25-30 ans, c'était vraiment le château fort du cross-country. Ben ça, si on l'avait... après ça, j'ai fait un championnat régional en secondaire 5, puis tout au championnat régional, t'as l'eau provincial, comme par hasard, parce que là, on sait que le premier régional est au 3000 mètres, puis Raymond Bluteau m'avait demandé à Montréal, je me souviens comme si c'était hier, à 15 pieds de lui, il dit, moi, je fais une compétition, là, toi, reviens la semaine prochaine, mais moi, ben, je connaissais rien, gêné, il me dit, Gossin, ça t'intéresse-tu de venir à toi, reviens la semaine prochaine? Thomas Robitaux, là, c'est lui qui m'a pris là, il m'a mis au monde là. Après ça, il a fait des compétitions aussi. C'était le grand Manitou. T'as raison. Il y avait à peu près 10 courses dans le secteur de Beaumont-Sessigny, dont une entre le temps des fêtes. La grande virée qu'on partait de Mississini, on l'avait virée à Saint-Élisabeth-de-Pau, puis on revenait. Ah non, c'était phénoménal. OK, OK. Par la suite, ben, comme athlète, t'étais-tu performant? Oui, j'ai fait 32-28 au 10 km. OK. Qui est quand même un bon temps. Dans la région, je me suis classé 4 fois 4e de la région, derrière des Patrick Montureau, Christian Lespérance. Patrick Montureau, c'est un gars connu, c'était quand même un gars connu dans le temps. Hein. Ah oui, Patrick Montureau, il courait à peu près aux alentours de 31-30, 31-40, avec Alain Bouchard, je pense, qui était rapide. On était comme, t'en avais deux ou trois dans la région qui étaient une minute avant nous autres. Là, Patrick Montureau était vraiment solide. Tu as eu beaucoup de militaires qui ont passé comme Guy Racine, Gray Matt, un pilote de F-18. Okay, on était dans le peloton après son temps. OK. Ouais. OK. Ben, j'ai fait. Moi, j'ai, parce que c'est toujours mon meilleur classement à la course des Pichoux, j'ai déjà fini 18e. Ah, OK. En 49-56. Des marathons, des demi-marathons? J'ai fait un 20 km en 1:12. Puis okay, un marathon, on est fait 3, okay. Mais avec des mauvaises alimentations, j'ai fait un marathon 2,47. 2,47, c'est quand même bon pareil. Là. C'est bon, mais mettons que Denis Bouchard, qui est à peu près mon équivalent là, de coureur à l'époque, le prof d'éducation physique, Denis Bouchard, très connu avec ses enfants, a fait 2,32 lui la même année. OK, OK. Donc si on faisait des. On était bon, on se brouillait bien. OK. Dis-moi, par la suite, est-ce que les autres sports, t'étais un joueur de hockey, t'étais un joueur de soccer? Ah, moi, j'ai joué à Ballante. OK, à Ballante. J'ai joué à Ballante. J'ai joué au hockey un petit peu. J'étais pas un patineur extraordinaire, mais j'ai joué des années de temps au ballon-ballet puis au hockey. Bon, je me débrouillais quand même assez bien. Avec un retour, là, quelqu'un m'aurait coaché, m'aurait fait prendre certaines... parce que souvent, je parle à mon garçon qui a joué au hockey tard. Puis il me disait que je savais pas ça, prendre des décisions, prendre la prise de contact. J'ai arrêté encore meilleur, mais j'ai joué longtemps ballon-ballet, la course à pied, la balle lente. J'ai fait différents sports. J'ai fait le grand défi sportif à Dolbeau. Mais oui. Ça se résume pas mal à ça parce que maintenant, on peut pas. Là, on fait maintenant beaucoup de raquettes. Ah, c'est fun, la ça. Course à pied, un peu ce qui te font. OK. OK. Les ligues de balle lente, à l'époque, c'était fort aussi. Ben, ça a tout tombé. C'est malheureux, hein. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Si on voit Ballante, en arrière d'un drame des Anges, là, il y a eu un stand de Ballante, là, on l'a joué pendant des années, là. Il y a même, de... sort, si je me corrige bien, il y avait même des ligues à Dolbeau et dans le secteur de Mississini. Oui. Une ligue à Dolbeau, une ligue à Dolbeau, Mississini. Comme le ballon ballet, t'avais des grosses équipes. On était 10 dans. Ben, on voit une dizaine d'équipes d'un calendrier régulier. On faisait des tournois. Alors, c'était fort, hein, ça. Puis, on l'a même commencé avec des équipes de ballon ballet. Une à Milo, une à Saint-Augustin, une à Saint-Jean-d'Arc, ben, une oui, à Sainte-Marguerite. Ben, oui. Au vieux temps, là, on jouait dehors des tournois de fin de semaine à du moins 40, puis le ballon éclatait, puis on se jouait. Tabarnane qu'on était. Ouais. À l'époque, on était. Aujourd'hui, ça ne veut plus rouler une petite aréna qu'on fait. Puis ça veut même pas. Puis le gouvernement nous a interdit aux jeunes de jouer des arts. Mais ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Par la suite, ton intérêt, Jocelyn, pour. Après ça, tu as décidé de devenir prof d'éducation physique. Ouais, j'ai aimé. Moi, j'ai fait un petit passage à l'armée comme officier. Ah oui, OK. Puis en secondaire 5, j'étais élève officier. J'ai fait un cours des Forces armées canadiennes. Un camp d'été pour être officier. Puis je m'étais rentré dans génie militaire. Okay. Puis quand j'ai fait ma première année au Cégep, je me suis rendu compte que génie militaire, c'est pas mon dada. C'est la chimie, la physique, l'étude des sols. À l'époque. Okay. Donc le sport, vu que j'aimais le sport, puis j'avais connu des gens qui m'avaient expliqué que Moncton, c'est une université francophone. Je me rappelais un petit peu de ça. Au Cégep, j'ai eu un petit peu d'échecs. J'avais eu la misère à l'école, puis j'ai eu deux fois d'échecs. J'étais sorti des Forces armées canadiennes. Puis vu que l'Université de Coutimi ne m'acceptait pas en activité physique à cause que j'avais trois échecs au cégep, j'étais allé directement faire mon bac à l'Université de Moncton, qui est une université francophone. J'ai adoré. Après ça, je suis revenu au Québec. J'ai finalisé mon brevet d'enseignement. Tu as même eu Jean Perron comme professeur. Je me rappelle d'avoir fait une chronique avec, Jean Perron, oui. Puis tu avais intervenu. Oui, Jean Perron était mon professeur de quelques cours à l'université. Donc aussi, tel coup, j'ai dit le bleu dans les années 80, 2,84, puis avait gagné le championnat canadien. On avait gagné le championnat canadien d'équipe. Puis quand j'ai revenu, là, j'ai fait une bonne période dans, je m'entraînais, puis tranquillement, au fil, je me suis mis à coacher. Fait du bénévolat à l'école, fait de l'intramural. Tu sais, tu veux travailler, tu veux vivre. À l'époque, il n'y avait pas de job. Donc, tout ce qu'il offrait à l'école, tu disais oui. Tu veux-tu coacher le cross-country? Oui. Tu veux-tu coacher le tennis? Oui. Tu veux-tu faire du volleyball? Oui. Badminton? Oui. Je faisais tout, tu remplaçais. Puis, je me suis retrouvé comme bredouille à Raymond Bluteau sans m'en rendre compte. Puis, Raymond Bluteau s'est tossé. Puis, je me suis rendu compte que c'est moi qui s'occupais du club du Mille. Puis, je coachais les jeunes. Puis... Justement, si on parlait du club du Mille, toi, tu as pris la relève de Raymond, c'est ça? Oui. OK, OK. Fait que c'était pas mal. Puis, si on parlait un peu, les jeunes à l'époque, comparativement à aujourd'hui. Moi, je vais te dire une affaire. Je trouve que les jeunes, on entend souvent dire que les jeunes sont pas vaillants, les jeunes sont aussi des jeunes. Mais on est jeunes. Faut se rappeler de où qu'on a été jeunes aussi. Puis, t'as été jeune, j'ai été jeune, puis ainsi de suite. Moi, il y a encore le très bon kid, là. Le problème, c'est que. Je le dis tout le temps, on voit les mauvais, on voit les mauvaises affaires. Mmh. Les bons kids, là, moi, je vais à l'épicerie, là. Mmh. C'est tous les bons, mes bons élèves ou mes vaillants sont tous là. Mmh. Des dépanneurs, ils sont pompistes. T'es voué travailler un petit peu partout, c'est tous nos runs. Après ça, le problème, t'as une multitude de sports. Ouais. Quand t'es un flow, là, tu joues au hockey. Après ça, c'est quoi qu'il y avait l'hiver? Il y avait du hockey. Du hockey. Du hockey. Ouais. Du hockey. Ouais. Donc, si t'es pas bon au hockey, ben, t'avais la balle moins l'été. T'avais la balle moins l'été. Ouais. T'avais rien. Aujourd'hui, les flots peuvent faire la planche à neige, t'as du flyby, t'as du vélo de montagne. On mettra pas, mettons, il y a beaucoup d'affaires électroniques, là, mais il y a tellement de. Mais il y en avait dans le temps aussi, là, mais pas tant que ça. Tu veux dire, moi, je me rappelle, j'ai fait du judo. Ouais. Après ça, t'avais du karaté, t'avais du hockey, t'avais un petit peu. Mais je veux dire, aujourd'hui, t'as la piscine, t'as plein de lignes un peu. Ouais. Ben, t'as plein de clubs un petit peu partout. Puis en revenant au kid, là, t'as raison. Oui, on est peut-être une société un petit peu gâtée. On voit les jeunes un petit peu plus pourris, mais ça va faire des bons kids. Ouais. T'as des athlètes, moi, plein d'athlètes. Puis les dernières années, là, comme tu aimais ton commentaire, on était jeunes aussi. On n'était pas toujours brillants des bouts, on n'était pas toujours bien, tout le temps on n'était pas toujours. On n'était pas trop fiables non plus, là. On a fait des erreurs aussi, là. C'est parce que les jeunes, il faudrait peut-être se rappeler d'où on vient. C'est important aussi, là. Mais toi, tu es un gars de Saint-Lucien, je pense. Hein? Ben, ce qui arrivait, là, c'est... moi, je l'ai vu dans mes premières années d'enseignement, là. Tu faisais déjà une démarcation entre les gens de la ville et les gens des paroisses. Les flots des paroisses, là, c'est des gens, souvent, c'est des gens du cultivateur, des travailleurs. Ça arrivait à l'école, c'était fort, c'était costaud, c'était vaillant. Tu avais des petits narfaits. Et d'autres, il y avait déjà un pas d'avance, celui de la ville qui ne travaillait pas, était sédentaire. Non, pas tout le monde qui avait des gyms qui fait de la thérapie. Aujourd'hui, c'est tout automatisé, là. Tu ouvres la cour avec un souffleur, un tracteur. Ouais. C'est malheureux. On leur a rendu une vie facile. Il faut que les jeunes se battent. Mais je pense que on est des bons kids. Puis c'est l'éducation puis l'exemple qui va faire la différence. Tu vois des familles de sportifs, t'en as plein encore, ouais. On voit plein d'autres encore. Effectivement. Parce que là, on va faire une pause, puis on va revenir, on va jaser. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Justin Gagné sur les ondes de danseautosport.com. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année, et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population et pour vos différents besoins de véhicules usagés. L'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire avec le même professionnalisme et le sourire. 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien 88 n'oubliez pas de visiter notre page 75 et nombreux spéciaux. Il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Altec vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Delbault et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année. Il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Delbault et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Delbault-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-93-83. On est retour à danradiosport.com avec Jocelyn Gagné. Jocelyn, si on parlait un peu du club du 1000, tu en as coaché des athlètes, entre autres Alex Bussière qui est allé très loin. Y en a-tu d'autres qui auraient pu faire une belle carrière dans le domaine de la course? Ben, tu sais, c'est dans... On a Alex Bussière qui était quand même un des solides. Ouais. T'as dit, à l'époque, tu as eu, si tu te souviens bien, Véronique Goulet. Véronique Goulet, ben oui. Mais, puis Saint-Augustin était quand même une pépinière de oui, hein? Annick Labrise, quelqu'un qui n'est pas... Annick Labrise, oui. 20 fois championne provinciale de cross-country. J'ai jamais vu ça de ma carrière. Je ne sais pas si une fille au Québec l'a fait. Après ça, on parle aussi qu'on l'a eu beaucoup. Claudie Brisson, qui avait gagné les championnats des Jeux du Canada à Marc Olympique. Puis on n'oubliera pas Pierre-Luc Ménard, qui a fait une belle carrière à Marc Olympique, quand même assez loin. Alexandre Garnier-Villeneuve, mon garçon, en fait aussi, ça a bien été. Il y en a pas mal. On a eu plusieurs bons athlètes, sauf que des fois, ça prend plein de petits... comment je dirais ça? Il faut que les gens soient bien alignés, là. Mm. Faut que... C'est fort. L'athlétisme, c'est fort. C'est un sport que ça pardonne pas. T'sais. Être déjà le meilleur au Québec dans son sport, c'est fort. Ouais. Être champion canadien, c'est très difficile. Puis là, on veut pour les Kenyans, etc. Ah non, puis il y a une question aussi de... ça va paraître raciste, mais c'est pas ça là, que je veux dire. Une personne de couleur est plus athlétique, je dirais. Ça, c'est une question de gêne. C'est même pas une question de... C'est même pas une... ça, tu... Ouais. Parle là, on parle un petit peu de les enseignements, là, on se cachera pas, là, il y a eu beaucoup d'esclavage. Ça a fait des générations très puissantes, très fortes. Donc les personnes de couleur sont forts au sprint, forts au basketball, forts au baseball, des sports d'impulsion. Par contre, l'autre génération, que ceux qui restent en Afrique dans des altitudes très élevées, le Kenya, le Kenya entre autres, pourquoi les coureurs kenyans sont très endurants? Parce que les autres, ils restent dans un pays où il y a peu d'oxygène. L'oxygène est moins haut que nous autres. Donc, c'est la fameuse EPO, là, qu'il y en a qui trichent, là. Ouais. Les autres, ils l'ont naturellement. Donc, ils respirent avec moins d'oxygène. Quand ils tombent, en plus, sont athlétiques aussi, là, ils s'entraînent, là. Mais ça, c'est un plus qu'ils ont. Quand ils tombent dans des régions avec beaucoup plus d'oxygène, ils sont comme suroxygénés. Puis, c'est pas des personnes aussi qui n'ont pas du fast-food, du McDo, non, etc. Donc, ils sont maigres, ils sont pas gros, ils sont bons. Ah, donc, tu as deux générations qu'on se bat, mais présentement, dans le monde, ça va s'équilibrer, mais ça fait un constat. Tu as raison, entièrement d'accord avec toi. Effectivement. T'es-tu déjà fait offrir des produits, Jocelyn? Pardon? T'es-tu fait offrir des produits à un moment donné pour améliorer ta performance? C'est-tu quelque chose que tu... Non. Okay. Je n'aurais jamais pris. Non, c'est ça. Moi, c'était clean cut. Ceux-là qui prennent ça, c'est parce qu'ils ont des aspirations, là, maintenant, là? Ben, on avait toujours une discussion avec mon garçon, puis il m'expliquait, un moment donné, c'est tellement arrivé. Ils ont fait une étude d'université, puis on posait à des personnes, si on te donnerait un produit, puis on sait qu'il va y avoir des conséquences négatives à ce produit-là, mais par contre, ce produit-là te permettrait d'aller aux Olympiques, puis probablement, peut-être, gagner une médaille. Est-ce que tu le prendrais? Ouais. Les gens ont répondu 90 à 95% oui. Ah, c'est clair. J'en revenais pas. C'était tabarouette. Puis même mon garçon me l'a dit. Il n'y a pas de gain, hein? Gain facile, ben, hein? Mettons, Danny, je te dis, faut ça prendre un produit, Danny, là, puis bon, j'ai fait secondaire plus tard, là, mais par contre, ce produit-là, là, ça va te mettre un des meilleurs au monde. Mm. Puis, meilleur au monde dans ton sport, dans Jean-Louis Françon, on est capable d'aller chercher 6, 7, 8, 9, 10 millions de commanditaires. Ouais. Là, ça commence à changer la donne. Là. T'sais, on louait au cours de les petits joueurs hockey, là, qui sont supposés puis tu as 100 000, 200 000 aux signatures de contrat. Mm. Tu signes un petit contrat de l'Union nationale, minimum 800 000. Tu sais, la réflexion est dure. Là. C'est là qu'il faut que les jeunes soient bien guidés, bien encadrés, puis c'est difficile. Oui, effectivement. Ben, Jocelyn, m'as-tu souhaité des joyeuses fêtes? C'est pas évident cette année, on va dire, comme bien du monde. C'est pas évident, mais regarde, on est tous poignés dans le même bateau, hein? Fait que, puis je vois tout ça. T'as raison, faudrait que tout le monde soit dans le même bateau, par exemple. Il y en a des fois qui sont dans des rives avec des petites chaloupes, mais dans l'ensemble, t'as raison. Puis moi, je me dis, hey, on est à chaleur, on mange bien, qu'on arrête de se plaindre, on n'est pas en guerre, là. Ouais, ça c'est un autre débat. Moi, je suis pas d'accord avec toi, là, mais ça c'est un autre débat, je sais. Non, mais je veux dire, pense à des personnes qui ont fait des tranchées ou d'une guerre de 18 ou d'une guerre 43 qui se battaient pendant. Oui, mais c'est parce que, regarde, on est une radio sportive, on va en rester là, Justin. OK? Ah là, t'es certain que c'est plate, là, le sport, là. Vous autres, les Canadiens recommencent. On a une bonne équipe cette année. Justin Gagné, qui a été un grand bénévole dans le secteur de le boom, ceci.